que je pense. Tu aimerais le savoir, bonne chance. Avec moi, tu t'es perdu d'avance. Toi, tu penses que j'ai un problème. Pour ma délivrance, je dois dire je t'aime. Ce soir, je sors de mon armoire. J'ai décidé de te le chanter. La, c'est un combat. Avoir besoin, besoin de toi en tout. L'espérance qu'un jour les mots me viennent sans détour. Emporte-moi dans ton discours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis toujours.